liberté, une parole sensée. Inventer des paroles sensées. Pour inventer des paroles sensées. Pour des gens non sensés. Là, ça part en couille vraiment. Là, ça part en couille vraiment. Les jeunes de maintenant. Oh, ça part en couille vraiment. Les jeunes de maintenant. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ça part en couille vraiment, les jeunes de maintenant. Oh, ça part en couille vraiment, les jeunes de maintenant. Oh, ça part en couille vraiment, vraiment. Les jeunes de maintenant. Ça peut couler au monde.